Voilà, ma soeur. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons le deuxième cours concernant les causes de l'animosité et du détestement dans la communauté. Donc l'auteur de l'article nous dit Rabi'an, quatrièmement, car il nous a cité auparavant trois causes de cela. La première, c'est le travail que fait Shaytan, Iblis, la'anahullah. La seconde cause, c'est l'innovation. La troisième cause, c'est la colère. Et la quatrième cause, il nous dit Rabi'an. Quatrièmement, Al-Hasad. Et Al-Hasad, c'est la jalousie. Al-Hasad, abqaq Allah, da'un azim min adwa'i al-nafs. Donc la jalousie, ici il est voulu la mauvaise jalousie. C'est une maladie, parmi les maladies de la personne, de nefs, de l'esprit. La yashfa saqimuhu wa la yarqa salimuhu ma'a ma fihi min ifsadi ad-din wa idrari al-badan. Donc cette maladie qui est al-hasad, elle ne vient pas à guérir celui qui est malade ou à rendre malade celui qui est sain, qui est en bonne santé, mais elle emmène à la corruption dans la religion et elle peut faire du mal sur le corps même de la personne. لأن الحاسد يدوم همه ويكثر غمه ويذوب جسمه ويذهل عقله عن صواب الرأي. Car celui qui est jaloux de ce qu'ont les autres, et ses pensées, elles sont concentrées. Tellement qu'il est concentré sur cette jalousie, et bien tout son corps et toute sa pensée ne peuvent pas être sur la bonne, sur la vérité et sur une opinion qui est bonne. Et son cœur, il est occupé, tellement occupé qu'il ne peut pas avoir une pensée bonne et authentique. Et c'est encore plus mauvais que l'avarice, que le fait d'être avare. D'être jaloux, cette jalousie mauvaise, c'est pire que d'être avare. L'avare, c'est celui qui a des richesses et il ne veut pas donner aux ayants droit, ou aux pauvres, ou aux gens qui sont dans le besoin. لِأَنَّ الْحَاسِدْ يُحِبُّ أَنْ لَا يَنَالَ أَحَدٌ شَيْئًا مِمَّا لَا يَمْلِكُ. Car le jaloux, la personne qui est jalouse, il voudrait, il aimerait que personne ne soit en possession de ce qu'il ne possède pas lui-même. Une chose que lui, il n'a pas, et bien il ne veut pas que quelqu'un d'autre l'ait. Parce que lui, il dit, pourquoi moi je ne l'ai pas alors que l'autre, il l'a. فَكَانَ أَعْظَمْ قُبْحًا وَشَدَّ ذَمَّنْ. Donc il est bien plus mauvais et bien plus pire. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ دَرَرًا مِنَ الْحَسَدِ. Et il n'y a pas pire en nuisance que la jalousie. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ. Vous avez est arrivé à vous. Vous avez été touché ce par quoi ont été touchés les peuples d'avant vous, la jalousie et le détestement. Hassanun li ghayrihi rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu wa anzur sahih at-Targhib lil-Albani. Wal hasad 'aqid al-kufr. Et la jalousie est proche de la mécréance. وَحَلِيفُ الْبَاطِلِ. Et il est l'allié du faux. وَضِدُّ الْحَقِّ. Et il est contraire à la vérité. مِنْهُ تَتَوَلَّدُ الْعَدَاوَةِ. C'est de cette jalousie que vient naître l'animosité. وَهُوَ سَبَبُ كُلِّ قَطِيعَةِ. Et il est la cause de toute coupure de lien. وَمُفَرِّقُ كُلِّ جَمَاعَةِ. Et c'est ce qui amène à la division du groupe, à séparer le groupe. وَقَاطِعُ كُلِّ رَحِمٍ مِنَ الْأَقْرِبَةِ. Et c'est ce qui vient aussi couper les liens de parenté, des proches. وَمُحْدِثُ التَّفَرُّقُ بَيْنَ الْقُرَنَاءِ. Et c'est ce qui amène aussi la séparation entre les amis. وَمُلْتِحُ الشَّرِّ بَيْنَ الْحُلَفَاءِ. Et c'est ce qui amène à la discorde et au mal entre les gens qui sont liés par Al-Halif, c'est l'allié, c'est celui avec qui tu es lié par un accord. فَالْحَاسِدُ يَكْرَهُ أَوَّلًا فَضْلَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ. Donc premièrement, le jaloux, il déteste les bienfaits d'Allah donnés à une autre personne. Il n'aime pas ce bienfait qu'il a été donné à cette personne. ثم ينتقل إلى ذلك المنعم عليه. Donc d'un côté, le jaloux n'aime pas ce bienfait qui a été donné à cette personne, mais au même moment, après, ça découle à quoi ? Il en arrive à détester celui qui a été touché de ce bienfait. والشر مَا أَشْعَرَ قَلْبُ الْمَرْءِ الْحَسَدِ. Et la pire des choses qui peut toucher le cœur de la personne, c'est la jalousie. طيب. وَأَقْبَحُ أَنْوَاعِ الْحَسَدِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ وَالدَّعْوَةِ. Et la pire des images qu'on peut voir dans le domaine de la jalousie, c'est ce qu'il peut avoir entre les gens prétendant à la science et aux prêches. Parce que même chez eux, on peut retrouver cette maladie. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية رحمه الله قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم بنوع من الحسد لمن هداهم الله إلى علم نافع وعمل صالح وهو خلق ذميم مطلقا وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, il se peut que certains prétendants à la science ou certains personnes dotées de savoir soient éprouvées par une sorte de jalousie envers ceux qu'Allah a guidés vers une science bénéfique et une bonne pratique et des bonnes œuvres. Et c'est un comportement complètement. Il n'y a rien de bien dans la jalousie. Et en plus de ça, la jalousie dans ce domaine-là, dans le domaine du savoir et du prêche, ça fait partie des caractères de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Les juifs qui ont encouru la colère d'Allah. وَلَيْسَ مِنَ الْحَسَدِ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ بَلْ هُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَحُبِّ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ. Et ne fait pas partie de la jalousie de réfuter, de répondre à celui qui a été à l'encontre, qui a contredit le cheminement ou la voie des pieux prédécesseurs. Mais ceci fait partie du bon conseil et de l'amour du bien, l'amour et du bien qu'on veut pour cette personne qu'on conseille. Pour pas que lorsque quelqu'un réfute quelqu'un, tout de suite on dit « Ouais, mais c'est parce qu'il est jaloux de lui ». Il se peut qu'il y ait de la jalousie même chez les gens du savoir, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et c'est pas parce que quelqu'un va réfuter quelqu'un pour sa contradiction avec la voix des plus prédécesseurs qu'on va dire qu'il ne le fait que parce qu'il est jaloux de lui. Donc il faut bien faire la distinction et bien comprendre. Khamisen, cinquièmement, ittiba'ul hawa. Voilà, une des causes, c'est quoi? C'est le suivi de la passion. Le suivi de la passion. Inna asla al-adawati والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى. À la base même de l'animosité, du mal, de la jalousie qu'il y a entre les gens vient du suivi de la passion. فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. Celui qui va à l'encontre, qui contredit sa passion, son cœur sera reposé, ainsi que son corps et ainsi que ses membres. Il sera reposé et il donnera repos aux autres. Celui qui va à l'encontre de sa passion et qui n'écoute pas sa passion. قال أبو بكر الوراق رحمه الله وإذا غلب الهوى أظلم القلب. Et lorsque vient à prendre le dessus la passion, lorsque la passion vient à prendre le dessus, eh bien le cœur s'assombrit. Le cœur se retrouve dans les ténèbres. وَإِذَا أَظْلَمَ ضَاقَ الصَّدْرُ. Et lorsque ce cœur, il s'est assombri, eh bien la poitrine, elle s'est, comment on pourrait dire ? Elle se resserre, barakallah. La poitrine, elle se resserre. وَإِذَا ضَاقَ الصَّدْرُ. Et lorsque la poitrine se resserre, eh ben, le comportement devient mauvais. Tellement que la personne elle est mal, que ça se reflète dans son comportement, et il devient mauvais de par le comportement. وَإِذَا سَاءَ الْخُلُقُ أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ وَأَبْغَضَهُمْ. Et lorsque le comportement devient mauvais, les gens viendront à le détester, et lui, il détestera les gens. فَانْظُرْ مَاذَا يَتَوَلَّدُ عَنِ التَّبَاغُضْ مِنَ الشَّرِّ وَالْعَدَاوَ وَتَرْكِ الْحُقُوقِ وَغَيْرِهَا. Regarde ce qui vient à naître de ce détestement comme mal, comme animosité et comme délaissement et de négligence concernant les droits des autres et bien d'autres choses. وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى مَظَنَّةُ الظُّلْمَ الْبَغِي. Et le suivi de la passion amènera à l'injustice et à la transgression. قال تعالى فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا. Dans le sens du verset, et ne suivez pas la passion car elle vous empêchera d'être juste. Vous allez transgresser. Vous allez être injuste. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بذلك بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عما يبغض عليه. Donc ce grand savant, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dit: lorsque ont augmenté la divergence entre les gens sur les questions de la religion, et a augmenté aussi de cela, à cause de cela, leur division et leur séparation, eh bien ça n'a fait qu'augmenter, ça a été la cause pour augmenter quoi? Le détestement et le fait qu'ils se maudissent les uns les autres. Et chacun montre ou fait apparaître qu'il déteste pour Allah. Quand il le fait, il montre aux gens quoi? Ça je le fais pour qui? Pour Allah. Et au même moment, il se pourrait qu'il soit excusable, qu'il ait une excuse valable. Mais il se pourrait aussi qu'il n'a pas d'excuse valable. Mais en vérité, il ne fait que suivre sa passion. Et il n'a pas été faire sa recherche complètement, convenablement, pour savoir pourquoi il en est arrivé à détester. Sadisan an-namima. Sixièmement, an-namima. An-namima, c'est le fait de colporter les paroles des uns vers les autres, pour y mettre de la discorde, pour y mettre de la séparation, pour y mettre de l'animosité, pour y mettre du détestement, pour y mettre une querelle. Hein? Le fait d'aller dire: j'étais avec un tel et il a dit ça, ça, ça sur toi. Ça, c'est ce qu'on appelle an-namima. Et c'est un grand péché qui est très grave. Inna an-namima maradun fatsak. Donc, an-namima, maintenant vous avez compris le terme, on va le garder. Parce que je ne sais pas s'il y a un mot exact en français. Vous connaissez un mot? Je vous l'ai expliqué. Il y a un mot? Calomnie. Non. Oui, mais bon, j'ai peur que ça se comprenne mal. C'est le fait de colporter les paroles des uns vers les autres. Vous l'avez compris? Taïm. An-namima, c'est une maladie contagieuse. C'est une maladie contagieuse. Yeftiku ta'aluf al-muslimin fima baynahum. Elle vient à mettre un terme à l'union qu'il y a entre les musulmans. Fakam mazzaqat min mahabba. Combien elle a coupé comme amour qu'il y avait entre les gens. وكم فرقت من قرابة combien elle a séparé des proches. وكم أوقدت من فتنة et combien elle a allumé comme trouble et discorde. فأوغلت القلوب وغيرت الصدور. Elle a éloigné les cœurs et elle a changé les poitrines. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. الحديث رواه البخاري ومسلم. والقتات هو النمام، ووقع بلفظ نمام في رواية أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'entre pas au paradis quelqu'un qui fait un namima, celui qui colporte, il n'entre pas au paradis. فاحذر أخي المسلم من النميمة فإنها من أمراض النفوس. Je te mets en garde, mon frère musulman, contre la namima, car elle fait partie des maladies de nefs, de l'esprit. وهي داء خبيث. Et c'est une mauvaise maladie, يجري على الألسن, qui circule sur les langues. فيهدم الأسر. Elle vient à détruire les familles. ويفرق الأحبة. Elle vient à séparer les bien-aimés entre eux. وَيَقْطَعُ الْأَرْحَامِ. Et à couper les liens de famille. Et ça, c'est très très grave. Et wallahi, c'est très répandu. Et le pire, c'est que souvent, dans chez certaines personnes, celui qui fait le namima, il est bien vu. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ah, barakallahu fik, tu m'as averti. Ah, barakallahu fik, tu m'as rapporté. On n'était pas en train de l'aider en lui disant ça. Ouais, j'étais assis, ils ont parlé sur toi, et ils ont dit ça sur toi, et ils ont dit ça sur toi. Ça trouve que lui, il avait le cœur sain. Et à cause de ça, ça va le travailler. Il va commencer à les détester. Il va commencer à parler sur eux. Et celui qui a colporté, c'est lui à cause de ça. Déjà, premièrement, celui qui a colporté, il a fait plein d'erreurs. Premièrement, il a assisté à ce qu'on appelle al-riba, la médisance. Donc, on a parlé sur un frère, et il a assisté à ça. Et il a entendu des choses qu'il disait, alors qu'il n'y avait pas d'utilité à les dire. Pour pas de confondre ça avec al-nasiha. Parce que, ou alors la mise en garde, lorsque vraiment elle est reconnue. Mais de parler en mal, de raconter les péchés des gens, hein, et lui il est là, il écoute. Et il dit rien. Quand c'est fini, il part, il va aller voir la personne, il va tout lui raconter. Donc premièrement, il a assisté à une assemblée de médisance. Il a participé avec eux et il est complice de la Suisse. Parce que il ne les a pas fait arrêter. En leur disant, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites. Donc, il réprimande le mal. Deuxièmement, lorsqu'il a vu le mal, il ne s'est pas levé, il n'a pas quitté l'assemblée pour montrer son désaccord avec ce qui se passe. Mais plutôt, il est resté bien écouté. Et ça se trouve même, il a participé. Mais les personnes ne diront pas, j'ai dit sur toi. Ils ont dit sur toi. Mais ce que lui a dit, ça, il ne le dira pas. Subhanallah. Et puis, l'autre mal, il va voir la personne pour lui raconter. Donc on s'éloigne des lieux de médisance tout en distinguant la médisance qui est interdite de celle qui est permise. D'accord ? Parce que les gens mélangent. Lorsqu'on parle des innovateurs, des mouvements qui éloignent les gens de la droiture, les gens disent que vous faites de la médisance. Ça, c'est l'ignorance qui parle. Voyez ? Et les hadiths qui parlent de cacher son frère, c'est sur les péchés et les erreurs. Et non pas sur les innovations, sur les actes de polythéisme, sur les actes de mécréance que pourraient commettre des gens. Ou les mauvais propos, ou les mauvaises explications concernant la religion. Ça, la personne est obligée de clarifier et de montrer. Et ça, c'est pour le bien. Il y a une utilité. Mais là, elle est où l'utilité? Et l'utilité aussi, elle est dans quoi? Si pour le mariage, quelqu'un a besoin de s'associer avec quelqu'un, il demande conseil. Est-ce que tu me conseilles de me mettre avec un tel? Là, il y a une utilité de parler. Donc là, tu dis ce que tu sais de la personne pour mettre en garde la personne. Mais de parler comme ça, pour passer le temps, pour faire du mal à son frère. Parce que qu'est-ce que la médisance? C'est de parler de ton frère de choses que si jamais il avait été présent, il n'aurait pas aimé les entendre. Subhanallah. Et donc, non. On ne fait pas de médisance, c'est un péché qui est grave. Et on n'assiste pas aux assises de médisance. Voyez ? Et puis, on ne fait pas de colportage. On ne va pas faire du mal. Il y a assez déjà de mal pour qu'on en rajoute. Plutôt au contraire. Celui qui a parlé, on le conseille de ne plus en parler. Et à lui, on ne lui dit rien. On ne lui dit pas. On va lui faire du mal. Subhanallah. Sabi'an, al-mira, wal-jidal, wal-khisam. Septièmement, hein, la polémique et les discussions pour la discussion. C'est les confrontations dans la discussion. Et ça, c'est des maladies. Le musulman, il s'en éloigne. Hein, le but de ta vie, ce n'est pas d'aller gagner dans les débats ou dans les discussions avec les gens. Ce n'est pas ça le but. Et Salaf, de base, il s'éloignait de ça. Et ils ne le faisaient que lorsqu'ils en étaient contraints. Sinon, d'eux-mêmes, ils ne le cherchaient pas. Pourquoi? Parce que, né de cela, beaucoup de maladies. En règle générale, quelqu'un qui fait une confrontation, il ne veut pas perdre. Et il veut gagner. Et ça fait un peu, ça joue un peu sur le nefs. Et après, la sincérité, elle en prend un coup. Et puis à la fierté de soi si jamais il gagne. Et il est content d'avoir gagné. Subhanallah. Donc ce n'est pas un comportement qu'il faut avoir. Inna kathrat al-mira wal-jidal mad'atun lil-khusuma. Trop faire de polémiques, de confrontations, amène à quoi? Amène à la discorde et à la mauvaise entente. وَمُجْلِبَةٌ لِلْبَرْضَاءِ وَالضَّغِينَةِ. Et ça amène quoi? Au détestement et à l'animosité. وَالْجِدَالِ يُقَصِّ الْقَلْبِ. Et la polémique, la mauvaise polémique, elle rend dur le cœur. وَهُوَ سَبَبٌ لِلْقَطِيعَةِ. Et c'est une cause pour que les liens soient coupés. والمسلم إذا كان كثير المجادلة كان مذموما عند الناس. Et le musulman, si jamais il est connu pour être quelqu'un qui fait beaucoup de confrontations, beaucoup de polémiques, qui polémique beaucoup, eh ben il n'est pas aimé auprès des gens. De base, les gens n'aiment pas ce genre de personne qui ne fait que polémiquer, qui ne fait que discuter pour les problèmes. L'idha qala ba'du salaf. Et c'est pour cela que certains pieux prédécesseurs ont dit: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. Lorsque tu vois l'homme en arriver beaucoup à polémiquer et qui est fier de son opinion, qui est fier de ses idées, sache que il est en totale perdition. Il est en totale perdition. وقال الإمام الآجري رحمه الله وعند الحكماء أن المراء يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. Donc l'imam al-Ajurri رحمه الله dit: et les sages, ils ont beaucoup de sagesse, ils disent que la polémique change les cœurs des frères et vient naître de cette polémique la division, la scission et la séparation après l'union et après l'entente. Wa qala al-imam Malik rahimahullah al-mira yuqass al-qulub wa yurith al-dagha'in. L'imam Malik rahimahullah dit: la polémique, le fait de polémiquer vient à endurcir les cœurs, et découle de cela le détestement et la haine. وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. Certains pieux prédécesseurs ont dit: lorsqu'Allah il veut du bien à son serviteur, il lui ouvre la porte de la pratique, de l'œuvre, il œuvre, et il lui ferme la porte de la polémique. Et lorsque Allah veut à son serviteur le mal, il lui ferme la porte de la pratique, et il lui ouvre la porte de la polémique. Donc quelqu'un qui est connu pour beaucoup polémiquer, tout le temps discuter, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon signe. Donc il faut s'en éloigner et de se débarrasser de ce mauvais comportement. وقال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. Sache que la polémique, elle peut être pour le vrai et elle peut être pour le faux. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et ne polémiquez avec les gens du livre que de la meilleure sorte, de la meilleure manière. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et polémique avec eux de la meilleure manière, par ce qui est meilleur. وقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset: ne polémique sur les versets d'Allah que ceux qui ont mécru. قال, donc ça c'est l'imam al-Nawawi rahimahullah: فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا. وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه والمجادلة والجدال بمعنى واحد. Donc il dit, si la polémique c'est pour atteindre la vérité et faire comprendre la vérité, donc c'est une chose qui est louable. Et si la polémique c'est pour contrer la vérité, pour repousser la vérité, ou alors c'est une polémique sans aucun savoir, la personne n'a pas le savoir et elle polémique, ça sera quelque chose de mauvais. Et c'est avec ce détail qu'il faut comprendre les textes qui nous parlent de la polémique en bien ou en mal. Et il nous explique que le mot « mujadala » et le mot « jidal » c'est la même racine que ces deux termes à prononcer, c'est pas la même chose. « Mujadala » et « jidal » veulent dire la même chose. Ils ont le même sens. قال بعضهم ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. Certains ont dit, je n'ai pas vu une chose qui fait partir la religion ou qui vient à rabaisser المروءة. المروءة, comment on pourrait traduire ce mot-là? Qu'est-ce qu'il y a une traduction pour ce mot-là? Al-Muru'a, c'est une forme de dignité, d'honneur. Al-Muru'a, c'est la personne, elle ne veut pas qu'il apparaisse par une chose qui le rabaisse auprès des gens. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent qu'il y a des choses qui font enlever le Muru'a, ou qui rabaissent la Muru'a. Par exemple, à l'époque de Salaf, quelqu'un qu'on le voit manger dehors, ou quelqu'un qui sort sans se couvrir la tête. Des choses qui rabaissent de la prestance de la personne. Mais je n'ai pas le mot exact. C'est qui peut m'aider? Frère, Inch'Allah. Taïeb. Le Mohim, il dit qu'il vient à rabaisser le Mouro'a hein, et qui occupe le cœur, mais pas d'une bonne occupation, que la polémique. La polémique. Donc ce n'est pas quelque chose de louable, de base. Et quelqu'un qui viendrait à polémiquer, c'est dans le besoin et parce qu'il en a la capacité. Et pour montrer la vérité. Faminen, huitièmement. Al-Bari, fil masail, al-lati yasuru al-khilafu fiha. Naam. La transgression dans les questions dans lesquelles il y a une divergence reconnue. Il y a des questions sur lesquelles les ulama de la sunna ont divergé. Et donc les musulmans, hein, ils suivent cette divergence. Et il y en a qui vont être plus attirés par tel avis ou par tel avis. Et tu en as qui viennent, ils ne veulent pas le reconnaître. Et l'avis que lui, il pense être le vrai, il veut l'imposer à tout le monde. Et tout le monde doit le suivre. Alors que c'est une divergence qui est reconnue. En faisant cela, il fait transgression. Et c'est aussi une des causes qui ramène le mal et qui ramène les problèmes. Yahri, tu es convaincu par tel point de vue, respecte l'autre point de vue. Sache que ton frère, s'il n'a pas suivi ton point de vue, c'est parce que il suit la sunna. Et lui, il comprend que si tu l'as pas suivi, c'est parce que toi, tu suis la sunna. Et que tu n'es pas en train de suivre telle personne précisément. Subhanallah. Donc les ulama, c'est pour cela que, même s'ils se répondent les uns les autres, et chacun défend son point de vue, mais de l'autre côté, il respecte l'avis défendu par cette personne. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ce alim, son suivi de la sunna ne l'a pas laissé me suivre moi. Et moi, mon suivi de la sunna ne m'a pas laissé le suivre lui. Parce que moi, la vérité, elle n'est pas apparue dans son opinion. Et pour lui, la vérité n'est pas apparue dans mon opinion. On n'est pas là pour suivre les choses aveuglément. Et les ulama, et donc ils suivent ce qui leur apparaît comme être vrai. Un jour, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'était pendant un mois de Ramadan, au Masjid Al-Haram, à l'époque il venait tous les ramadans dans le Masjid al-Haram et il donnait ses cours. Et il dit, parmi ce qu'il a dit, il a dit: vous les jeunes, vous pensez que vous aimez la sunna mieux que nous? Il y en a peut-être qui peuvent penser, ils peuvent avoir cette pensée là. Il a dit: wallahi, que la sunna est plus aimée auprès de nous que vous. Mais voilà où notre effort de réflexion nous a amené. Pour l'histoire de At-Tarawih, il y en a qui disent tu t'arrêtes à 11 rak'a. Il y en a qui disent tu peux faire plus que 11 rak'a. Tu peux faire 20 et tu peux faire plus. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il a défendu son point de vue et il a voulu montrer que si celui qui est convaincu qu'il ne faut pas dépasser 11, tayyib, mais qu'il ne pense pas qu'il aime la sunna plus que celui qui a, parce que chacun a suivi les hadiths. Et chacun, comment il a compris les hadiths? Il y a des raisons qui sont la cause de cette divergence. Mais ce sont des divergences qui sont reconnues. Subhanallah. Et chacun a fait son effort. Et celui qui atteint la bonne réponse sera récompensé doublement, et l'autre sera récompensé une seule fois pour son effort, et parce qu'il était parmi les gens qui étaient capables de faire cet effort de réflexion. Donc, qu'on discute sur telle ou telle question, c'est pas un problème. Que j'essaie de prouver que l'opinion que j'ai, c'est la meilleure, pas de problème. Mais je ne méprise pas notre opinion. Et je respecte. Pourquoi? Parce que c'est l'opinion de l'ulama de la sunna aussi. Et ça, c'est important. Donc les gens qui pensent qu'en défendant une opinion, il faut en faire une polémique, il faut en faire un problème, il faut prendre parti, ils ont tout faux. Parce que les ulama, qu'eux ils disent y suivent, ils ne l'ont pas fait ça. Et les ulama, il y a une très bonne entente entre eux. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sur des questions, il avait ses opinions. Et Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il avait ses opinions. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il avait ses opinions. Ça n'empêchait pas que chacun aimait l'autre. Et chacun conseillait de prendre de l'autre. Et qu'il leur arrivait de se rencontrer. Et de bien s'entendre et de bien s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent comme étant des gens qui suivent la sunna. Un talib ilm a demandé à Cheikh Al-Albani, en lui disant: Yachir, al-Salaf, à leur époque, les hadiths, ils étaient éparpillés. Ils n'étaient pas tout rassemblés. Donc, il y en avait qui avaient des hadiths, ou d'autres n'avaient pas. Et c'est une des grandes causes de la divergence qu'il y avait à leur époque. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les livres sont compilés. Et on a tout à notre portée. Donc, on pourrait mettre un terme, inshallah, à cette divergence. C'est une belle question. Mais regardez le alim comment il va répondre. Cheikh Al-Albani, rahmahullah, lui dit: wallahi, notre époque elle n'est pas meilleure que celle des plus prédécesseurs. Et si cela devait exister, ça l'aurait été pour eux. Si cela devait exister, ça l'aurait été pour eux. Parce qu'ils étaient dans les périodes bénies. Les meilleures des périodes. Subhanallah. Donc, il ne faut pas que la personne aille à chercher ou à demander l'impossible. Ou à outrepasser. Et c'est pour cela qu'il faut respecter cela. Donc les gens qui disent « Nous on est Albani », l'autre dit « Nous on est Ben Baz », c'est qu'ils ont tout faux. Déjà, premièrement, ils n'ont pas respecté le prêche de l'Albani et ils n'ont pas respecté le prêche de Ben Baz. Jamais ils ont demandé cela. Subhanallah. Jamais ils ont demandé cela. Ils n'ont jamais demandé « La vérité c'est moi ». Ou l'autre a dit « La vérité c'est moi ». Non. Ils essayent de montrer ce qui est vrai. Maintenant, ils peuvent se tromper. Et quelle belle parole qu'a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah. « Qala, ra'yi sawabun yahtamilu al-khata wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu al-sawab. » L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit: mon opinion c'est la vérité, mais il se peut que ce soit une erreur. Et l'opinion de mon adversaire ou de l'autre, c'est une erreur, mais il se peut qu'elle soit vraie. Ça veut dire que moi, si j'ai pris telle opinion, c'est parce que je pense que c'est ça la vérité. Et je n'ai pas pris une autre opinion parce que pour moi c'est le faux. Et en face, on a pris telle opinion parce qu'il pense être vrai, et il n'a pas pris mon opinion parce qu'il pensait que c'était le faux. Chacun a fait la même chose, subhanallah. Et ce qui a amené à cela, c'est leur suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont très bien compris que personne, on n'a pas le droit de se comporter avec une personne comme on se comporte avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Les ulama nous disent un Nabi sallallahu alayhi wa sallam hujjatun bi nafsihi. Wal'alim le Nabi sallallahu alayhi wa sallam wal'alim yuhtajju lahu. Le prophète est une preuve en lui-même. Quand on vous dit qala rasulullah, tu ne me dis pas c'est quoi la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le savant, lui on demande quelle est sa preuve. C'est quoi l'argument de ce savant? Donc le savant en lui-même n'est pas un argument. Mais il s'argumente. Subhanallah. Ça c'est important à le comprendre. Inna salaf radiyallahu anhum lam yadkhul qulubahum shay'un min al-ghill wal-bughd li ahad min ikhwanihim bi mujarrad mukhalafatihi lahum. Donc les pieux prédécesseurs radiyallahu anhum jamais n'est entré dans leur cœur une quelconque rancœur ou détestement envers l'un de leurs frères parce qu'il a été en contradiction avec eux. Ça, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas ce problème-là. فهذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان يذكر الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله فيمدحه ويثني عليه. Et on voit l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, citer un imam contemporain de son époque, et un proche de lui, qui est l'imam Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, et il faisait ses éloges, et il parlait de lui en bien. Wayakoul, puis il disait, Lem ya'bur al-jisr ila khurasan misla Ishaq. مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. Et il disait, n'est pas passé par ce pont vers le Khorasan, c'est la région, le Khorasan c'est la région qui est entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, toute cette région là on l'appelle Khorasan et c'est une région qui a sorti beaucoup d'imams et de ulama de salaf. Et il dit, n'a pas traversé ce pont vers le Khorasan un homme comme Ishaq, même si il est en contradiction avec nous sur certains points. Car les gens n'ont cessé d'être en contradiction, mais n'ont cessé d'être en contradiction les uns les autres. Ça c'est une chose qui a existé, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait cet amour. تاسعا التعصب لغير الحق. Neuvièmement, le fanatisme ou le renfermement à l'encontre de la vérité. Hein? Il y a des gens, des fois, tu lui prouves tout, mais tellement qu'il est renfermé, tellement qu'il est fanatique, il ne veut pas la vérité. Il ne voit pas la vérité. Et ça, c'est... Les Arabes avaient une histoire, et quand on est face à quelqu'un comme ça, il le ramène. Il dit « Anza walaw tarat ». C'est une chèvre, même si elle vole. C'est quoi l'histoire? C'était deux Arabes qui étaient dans le désert. Et au loin, ils voient quelque chose de noir, par terre, au loin. Il y en a, il dit « C'est un oiseau ». L'autre, il dit « Non, c'est une chèvre. Non, c'est un oiseau. Non, c'est une chèvre. Bon. » Et à un moment donné... Cette chose noire au loin, elle vole. Donc il dit, tu vois, je t'avais dit que c'était un oiseau. Il m'a dit, non, même si ça vole, c'est une chèvre. Tellement qu'il était entêté. Il ne voulait pas reconnaître son tort. Et ça, le ulama nous ramène cette parole lorsqu'ils sont face à ce genre de personnage. Et on est des fois face à ce genre de personnage. Moi, il m'est arrivé une fois d'être face à un tablir. Moi, alhamdoulilah, il s'en est repenti. Il est revenu, inshallah, il a le haq. Mais à un moment donné, bon, il polémique. Je lui ai dit, mon frère, écoute, on ne va pas aller loin dans la discussion, tu ne vas ni à droite ni à gauche, tu me réponds clairement. Ce rouge que vous êtes en train de faire, le prophète, il l'a fait, oui ou non? Il me regarde en plein dans les yeux et il me dit, tu veux savoir la vérité? Je lui dis oui. Il me dit, il ne l'a pas fait, mais moi je le fais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui répond comme ça? Oh, subhanallah. Voilà, il sait, voilà. Il est, voilà, il clairement, il dit, voilà, tu veux savoir? Il ne l'a pas fait, je le reconnais, mais moi je le fais. والعياذ بالله كالله نو نو بريزيرف دو تو مال سواء كان هذا التعصب لمذهب أو قبيلة أو حزب أو جماعة أو شخص أو غير ذلك. Que ce renfermement ou ce fanatisme soit pour un madhhab, une tendance, ou une tribu, ou un parti, ou un groupe, ou une personne, ou toute autre chose, c'est quelque chose de mauvais. On doit être avec la vérité là où elle est. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي et celui qui prend une personne quelle que soit cette personne et il fait l'alliance et le désaveu pour cette personne, dans la parole et dans l'acte. Il fait partie de ceux, dans le sens du verset, de ceux qui ont fait scission dans leur religion et qui se sont retrouvés en plusieurs tendances. Et il n'est pas permis à quelqu'un d'appeler à une parole ou d'avoir conviction sur cette parole parce que c'est la parole provenant de ses proches ou provenant de ses amis sans vérifier son authenticité. Mais si jamais il la suit, c'est parce que cette parole fait partie de ce qu'Allah et de ce qu'Allah a ordonné ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam ou alors de ce qu'Allah nous a cité ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam et parce que cela entre dans l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour ça que c'est pas bien ce que font certains. Il y a certains, ils prennent de l'ampleur ou de l'importance, des gens se mettent autour d'eux, tayyib. Mais le jour où il y a des problèmes, ils obligent à ces gens-là de prendre parti pour eux. Ou ces gens-là le font d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de convenable. Deux professeurs, et ses élèves sont autour de lui, et ils s'attachent à lui, et ils se renferment sur lui, et ils font l'alliance et le désaveu pour lui. Et ça, Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il en parle. Il parle d'une querelle qu'il faut avoir entre deux professeurs et que les élèves se retrouvent en plein milieu de ça. Subhanallah. Mais les gens se doivent de suivre quoi? La vérité là où est-ce qu'elle est. La vérité là où est-ce qu'elle est. Et non pas, c'est mon ami, c'est mon proche, donc je m'attache à lui et je le suis. Et c'est lui qui dit la vérité. Non, lui en lui-même, c'est pas lui la vérité. Il a une part de vérité et il a une part d'erreur. Mais sur telle question, il faut vérifier qui a raison et qui a tort. Et ça, c'est ça le problème. Et ceux qui sont un exemple doivent montrer l'exemple. Subhanallah. Et ils ne doivent pas laisser les gens entrer là-dedans. Plutôt leur dire, suivez la vérité là où vous la voyez. Amma de dire aux gens, soyez pour moi, soyez autour de moi. Alors que je sais qu'au final, que c'est pas vrai, c'est pas moi qui a raison, ce n'est pas quelque chose de convenable. Et ça ne fait que empirer les choses et que rajouter dans les problèmes. Wal'iyadu billah. Ashiran, dixièmement. Vannu su'i bil muslim, d'avoir une mauvaise opinion du musulman ou de douter sur le musulman, douter en mal. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. Dans ce hadith rapporté par al-Bukhari Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit attention et aux soupçons, et aux doutes, car les soupçons sont les plus mensongères des paroles. Ouais, je crois qu'un tel, il est comme ça. Je crois qu'il a dit. Donc là, on sent que ce n'est pas vraiment sûr. Subhanallah, tu ne parles pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce genre de propos, c'est la plus mensongère des paroles. Donc tu t'en éloignes. Dans le doute, tu t'abstiens. Et tu n'as pas à avoir une mauvaise pensée de ton frère. Tu ne parles qu'avec des choses claires. Tu as quelque chose. Tu n'as pas. Parce que pourquoi ? Chacun peut soupçonner l'autre. Chacun peut avoir des doutes sur l'autre. Mais l'islam est venu mettre un terme sur ça. Et on n'a pas à avoir les doutes les uns envers les autres. Subhanallah. Même s'il y a quelque chose qui te trotte dans la tête, tu le gardes pour toi. Tu ne le dis pas. Tant que tu n'es pas sûr de ce que tu as. وَلِذَا فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ كَمَا يُحِبُّ هُوَ أَنْ يَكُونَ ظَنُّهُمْ بِهِ حَسَنًا. Et c'est pour cela qu'il est un devoir pour le musulman d'avoir une bonne pensée pour ses frères. Comme il voudrait, il aimerait qu'on ait une bonne pensée de lui. Comme il voudrait, il aimerait que ses frères aient une bonne pensée de lui. Tu veux que les frères aient une bonne pensée de toi ? Toi-même aies une bonne pensée de tes frères. والظنون السيئة لا تصدر إلا من قلوب لا تخلو من السيئات. Et avoir des mauvais soupçons, des mauvais doutes, des doutes mauvais, ne proviennent que des cœurs de personnes qui sont pécheurs, qui ont des péchés, qui sont assombris par les péchés. فتطلب لغيرها العثرات. Et le fait qu'ils se sentent mal, parce que les péchés assombrissent le cœur. Et le fait qu'ils se sentent mal, eh bien, ils cherchent les péchés des autres. Et ils cherchent le mal des autres. Pour oublier ce sur quoi lui, il est. Alors qu'entre nous, il suffit à une personne de se regarder face à un miroir. Si quelqu'un se préoccupait de ses propres maux, de ses propres maladies, de ses propres péchés, il n'aurait pas le temps de parler sur les autres. Subhanallah. Si chacun faisait le travail sur sa propre personne, il ne trouverait même pas un moment d'aller s'occuper des autres. Wal'iyadu billah. Hadi Ashar, le 11e mot, At-tanafus ala dunya wal-ri'asa wal-jah. Ah oui, ça c'est une des grandes aussi causes, c'est quoi ? C'est la course ou la concurrence pour un bien de ce bas monde, ou pour gagner une présidence, ou gagner une place, hein, ou une reconnaissance auprès d'un tel ou d'un tel. Ça aussi, c'est parmi les causes. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Ils ont des objectifs. Et ces objectifs les amènent à faire du mal. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un se retrouve en plein milieu de leur chemin pour atteindre leur but. Quel est leur but ? Un vil prix de ce bas monde. Quel est leur but ? Gagner le siège qui est là-bas. Wal'iyadu billah. Hubbu ar-ri'asa wa talabu al-jah li nafsihi min ghayri tawassul ila maqsoud. Donc, l'aimer d'être la présidence et d'avoir une place auprès des gens, non pas pour atteindre un bon but. Quelqu'un pourrait peut-être vouloir, mais pour faire un bien. Parce qu'il voit que les gens n'ont pas cette compétence. Et il va l'atteindre pour faire un bien. Non, il n'y a pas un objectif qui est bon. C'est seulement pour atteindre, pour être chef. C'est seulement pour être président. C'est seulement pour être proche d'un tel et d'un tel. وَمِنْ عَلَامَةِ ذَلِكَ كَرَاهَةُ الرَّجُلِ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَصَدَّرَ فِي الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَالسُنَّةِ. Et parmi les signes de cela, c'est que la personne, elle déteste voir son prochain, voir l'homme, hein, atteindre des degrés dans le savoir, dans la sunna ou dans le bien. Il ne veut pas, il veut lui l'atteindre, mais il ne veut pas que son prochain l'atteigne. Et il ne veut pas que les gens fassent les éloges de cette personne. Il n'aime pas entendre ça. Et celui qui en arrive à ça, eh ben, il a une ressemblance avec les juifs qui ont été réprimandés par Allah tabaraka wa ta'ala dans sa parole. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli, dans le sens du verset, ou alors ils sont jaloux vis-à-vis des gens pour ce qu'Allah leur a donné comme bienfait. Thani ashar, deuxièmement, ikhtilaf as-sufuf fi as-salah. Ah, la différence qu'il y a dans l'alignement des rangs pour la prière. Hein, combien de gens, et il dit c'est pas grave, c'est rien, c'est pas le plus important, c'est pas le plus important. Là, on va voir si c'est pas le plus important. Subhanallah. Et il dit c'est qu'un détail, un détail. Subhanallah. Vous parlez de qui? De celui qui nous l'a enseigné, qui nous l'a ordonné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens sont arrivés à dire quoi? À dire qu'il y a le noyau et il y a les épluchures. Et vous vous occupez des épluchures et nous on s'occupe du noyau. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Il y a des épluchures dans l'enseignement de l'islam. A'ouzou billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il nous a enseigné, on se doit de le magnifier. Tout ce qu'il nous a enseigné, on se doit de le magnifier et de lui donner sa place. Parce que c'est un enseignement qui émane de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que quand je vous disais, quand on est mal éduqué, on est mal éduqué. La parole de leur chef, de leur leader, petite soit-elle, ils ne peuvent pas la contredire. Subhanallah. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment ils se comportent avec. Wal'iyadu billah. En plus de cela, s'ils savaient seulement, est-ce qu'il y a un hasard pour lequel Allah a fait qu'il y a des fruits, qu'ils ont des épluchures? Demande à quelqu'un qui est à l'étalage qui vend des oranges sans épluchures, si les gens ils vont les acheter. Subhanallah. Les épluchures elles viennent à protéger. Donc si on croit que l'épluchure n'est qu'un mal, c'est pas vrai. Subhanallah. Les bonbons, ils sont enveloppés. Quelqu'un qui, subhanallah, j'ai entendu une petite anecdote, mais qui est pas mal. C'est quelqu'un à qui on lui a dit, pourquoi vous voilez vos femmes, les musulmans? Et la personne a répondu, elle a sorti deux bonbons de sa poche. Un bonbon qui était enveloppé, qui n'a pas été ouvert, et un bonbon qui avait été ouvert. Et il dit à la personne, choisis un bonbon. La personne, elle prend le bonbon qui est enveloppé. Et il lui dit, tu peux me dire pourquoi tu as pris ce bonbon-là et pas celui-là? Elle dit, ouais, parce que celui-là, il n'est pas enveloppé. Et donc, à cause des microbes et tout ça, je préférais prendre celui-là. Il a voulu le faire comprendre. Une femme voilée n'est pas comme une femme qui ne se voile pas. Subhanallah. Donc, tu aimes ce bonbon qui est enveloppé. Mais comment dire qu'on n'aime pas nos femmes ou nos sœurs qui se voilent, subhanallah, et qui elles-mêmes, elles le font pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que si elles le font pour leur mari ou leur père, sans aucune intention pour Allah, elles seront punies pour ça. Même si elles se sont voilées, parce qu'elles ne l'ont pas fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Lakin, l'animosité qu'ils ont envers l'islam, il fait qu'ils essayent de faire croire aux gens certaines choses. Mais alhamdulillah, Allah, subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de tous. Et la religion d'Allah, elle se propage qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, ils ne le pourront pas. Subhanallah. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la religion d'Allah, elle est secourue. Soit par nous, ou soit par d'autres que nous. Subhanallah. Donc la crainte, elle est pour nous. Elle n'est pas pour l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah. Elle est préservée. Subhanallah. Le Coran, il est préservé. Et Allah fait que, dans toute époque, il y a des hommes qui sont là pour protéger, préserver et propager sa religion. Donc c'est les ennemis de l'islam et leurs semblables et ceux qui tombent dans le piège des ennemis de l'islam. Donc c'est pour cela que qu'ils disent des choses, le prophète on a dit des choses sur lui. Voilà. Moussa alayhi salam, il vient inviter Pharaon à la religion. Pharaon il dit à son peuple, cet homme est venu pour vous corrompre sur terre. Subhanallah. Qui est-ce qui corrompt? Mais voilà, mais parce que ça passe. Donc il met la mauvaise étiquette sur Moussa, parce que Moussa est innocent de ce qu'a dit Pharaon. Pharaon, il leur a dit, c'est moi votre Seigneur. Et il a dit, je n'ai pas connu de divinité en dehors de moi pour vous. Et il a dit à Moussa, si tu prends une autre divinité que moi, je te punirai. Alors qu'au fond de lui, dans son cœur, il sait très bien que ce n'est pas lui Dieu. Il sait très bien que ce n'est pas lui le Seigneur. Hein? Il le sait, mais son orgueil ne l'a pas laissé suivre la vérité. Et Allah elle dit وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوَ. Ils l'ont caché, renié. Mais en vérité, ils en avaient la certitude dans leur cœur. À cause de quoi? À cause de l'injustice. L'injustice et l'orgueil qui ne nous a pas laissé suivre la vérité. Le prophète Mohammed, ils l'ont traité de poètes. Ils l'ont traité de fou. Ils l'ont traité de sorcier. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne lui a été d'aucune nuisance. Et Allah lui a dit, on ne te dit que ce qu'on a dit au prophète d'avant toi. C'est rien. Nous, le problème, c'est comme on a grandi en France, on se plaint beaucoup. Bah, on a grandi, donc on a pris un peu du comportement qui est ici. Et comme c'est des gens qui sont beaucoup râleurs, qui se plaignent beaucoup pour un rien, et ben on a pris un peu de ça. Un petit mal, ça y est, on se plaint. Une info dans les médias, ça y est, on est. Subhanallah. Avez-vous vu ce qu'ont vécu les peuples d'avant, qui suivaient la vérité? Subhanallah. Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu. Il est à la Mecque. Ils se font châtier par Quraysh. Châtier. Ils n'ont rien fait. C'est parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Ils se font châtier, mais à un degré très fort. Et vous connaissez certains séries, récits des compagnons à la Mecque. Et il vient voir le prophète, il lui dit, ne vas-tu pas invoquer Allah pour qu'il nous sauve de ce mal qu'on vit? Le prophète, il lui a dit, quoi? Il lui a dit, vous êtes un peuple très pressé. On prenait l'homme d'avant, dans les autres peuples, et on l'allongeait par terre, et on étirait ses membres, les deux bras et les deux jambes. Et on venait avec une scie, et on le coupait en deux, jusqu'à atteindre l'os. Il est encore en vie, hein. Et on le coupe. Et cela ne le faisait pas retourner contre sa religion. Il restait ferme dans sa religion. Subhanallah. Allez, Allah, les gens, pour des histoires de médias ou de je ne sais quoi, ils en font. Hein. Subhanallah. Allah, on n'a pas vu. Allah. On n'a pas vu ce qu'ont vécu ces gens-là. Et plus la personne elle a la foi forte, et plus il sera éprouvé dans sa religion. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Puis du meilleur au meilleur. Donc il faut arrêter de... Et c'est pour ça que ce n'est pas une bonne chose, ce que font certains. Ils sont là que pour donner que les mauvaises infos. Ah, t'as vu, ouais, arrête, laisse les gens tranquilles. Tu viens leur faire peur avec des choses. Subhanallah. Et souvent, c'est des rumeurs. Et souvent, ça n'atteint pas le degré de celui qui parle. Subhanallah. Donc il faut arrêter. Il faut s'en remettre à qui? À Rabb al-Alamin. Subhanahu wa ta'ala. À Rabb al-Alamin, il faut prendre cette habitude. Toujours de s'en remettre à qui? À son Seigneur. Avec le dua. En s'en remettant à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et les portes d'Allah sont grandes ouvertes. Subhanallah. Donc il faut arrêter de faire peur aux gens. Ou de regarder tel média ou tel journal ou ainsi de suite. Ils ne sont là que pour salir l'image de l'islam. Mais l'islam est propre. Et l'islam est pur. Et c'est la religion d'Allah éternel. Et Allah n'a créé aucune autre religion en dehors d'elle. Subhanallah. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Donc il faut arrêter de tomber dans ces choses-là. Alhamdulillah. Tayyib. An al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qal. Sami'tu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Latusawunna sufufakum. أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم donc بين وجوهكم رواه البخاري ومسلم et la version بين قلوبكم رواه أبو داود donc d'après النعمان ابن بشير رضي الله عنه qui dit j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire vous allez convenablement aligner vos rangs. Ou alors Allah va séparer entre vos visages. Et dans une version, entre vos cœurs. Va séparer entre vos cœurs. C'est-à-dire que l'état extérieur de vous va avoir un impact sur votre état intérieur. Donc l'alignement des rangs convenablement, des rangs bien alignés, est une cause pour l'union des cœurs. Subhanallah. Et des gens vous disent que c'est pas très important. قال النووي رحمه الله معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. Ça veut dire que ça va ramener, si vous ne le faites pas, ça va ramener entre vous l'animosité, le détestement et la séparation des cœurs. كما يقال تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهة لي Donc ben, en arabe, ça se dit. Donc quand on dit, le visage d'un tel, à mon encontre, a changé. Ça veut dire que j'ai vu dans son visage un détestement à mon encontre. Et aussi, il se dit, son cœur a changé vis-à-vis de moi. Car la contradiction dans l'alignement des rangs, c'est une contradiction dans ce qui apparaît d'eux, dans leur côté extérieur. Et la différence ou la divergence dans ce qui apparaît est une cause pour la différence et la divergence intérieure dans les cœurs. واختلاف القلوب يفضي إلى اختلاف الوجوه المعبر به في خبر أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Donc, l'alignement des rangs, qui est un acte visuel, apparent, extérieur, si c'est mal aligné, cela va amener à la divergence ou à la séparation dans les cœurs. Taïb. La séparation dans les cœurs et la divergence dans les cœurs, ça va ramener quoi? Ça va ramener à ce qui va apparaître dans les visages. Donc il y aura l'animosité va apparaître dans les visages. Parce que la chose qui est à l'intérieur, elle va apparaître dans le visage de la personne. Tout est lié. Et c'est pour cela qu'il a dit dans l'autre version, ou alors Allah va séparer entre vos visages. بِإِعْرَادِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ. Chacun va s'éloigner de l'autre. وَهَذَا جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Et ça c'est une punition par le même moyen. كَخَبَرِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهَا. Comme lorsqu'il a été dit pour celui qui se suicide avec un morceau de fer ou un couteau, eh bien il sera châtié par ce moyen-là par lequel il s'est suicidé. وقال القرطبي رحمه الله معناه تفترقون, c'est-à-dire vous allez vous diviser. فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه. Chacun va prendre un visage que n'a pas pris son frère. لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد القلب الداعي إلى القطيعة. Car celui qui voudrait devancer un peu l'autre, ils ne sont pas bien alignés, il y en a, il va un peu s'avancer par rapport à l'autre, hein, on pourrait penser qu'il pense être supérieur et qu'il a de l'orgueil. Et ça, ça vient à corrompre le cœur, et ça, ça amène à quoi? À la coupure et la séparation entre les liens. Salaf Achar, 13e, Al-Najwa Bain Al-Mu'minin. Dans une assemblée ou dans une assise, un najwa c'est quoi? C'est quand on est plusieurs et il y en a quelques-uns, pas tous, quelques-uns, qui se mettent un peu sur le côté pour parler, pour chuchoter. Hein, pour chuchoter, alors que l'autre il est assis. Et l'autre il est assis, il ne sait pas ce que les autres disent. Et ça c'est pas bien. Ça c'est quelque chose de mauvais. Ou alors, ils parlent un langage qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont d'une telle origine, et ils peuvent parler une autre langue, et lui il ne comprendra pas, et ils se mettent à parler. Alors qu'ils ont une langue en commun. Ils se mettent à parler, et lui, il est assis, il les voit rire, il les voit faire une tête, il les voit, il ne sait pas ce qu'ils disent. Est-ce qu'il est concerné dans leurs propos ou pas? Il ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit, quelque chose de mauvais. Il ne faut pas le faire. T'attends d'être tout seul avec telle personne, et à ce moment-là, tu iras lui parler, et lui dire. Mais dans l'assemblée, tu n'as pas à le faire. Pourquoi? Parce que l'être humain, il se sent mal. Et Shaitan peut le travailler en lui disant, s'ils se sont mis là, c'est parce qu'ils ont un truc à dire, ils ne veulent pas que tu l'écoutes. Et ça trouve, ça nous concerne. J'ai fait le hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث رواه البخاري. Donc dans ce hadith rapporté par le Bukhari, le prophète Hassan a dit que deux ne se mettent pas à parler entre eux sans prendre le troisième avec eux. Ils étaient trois et les deux se mettent sur le côté pour parler en laissant l'autre, il ne sait pas ce qui se passe. Et إذا كانوا ثلاثة لا يتسامع اثنان من دون الثالث. Ça veut dire que s'ils sont trois, ils n'ont pas à parler entre deux sans faire écouter le troisième. Min ajli anna dhalika yuhzinuh, car cela va l'attrister. Et tu n'as pas attristé ton frère. ومثله إذا كانوا ثلاثة فتحدث اثنان بلغة لا يعرفها الثالث. De même, s'ils sont trois et deux parlent une langue que le troisième ne connaît pas. لأن ذلك يحزنه, car cela va l'attrister. وهذا من عمل الشيطان, et cela fait partie des actions de الشيطان. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Dans le sens du verset, Allah nous dit, car al-najwa, cette façon de faire, je ne sais pas s'il y a un mot en français exactement, Mohil, hein, discussion, voilà, cette discussion secrète, en vrai, elle provient de Shaytan pour attrister ceux qui ont cru. Rabi Ashar, quatorzièmement, كَثْرَةُ al-muzah, trop plaisanter. Et quand il dit trop, ça veut dire peu de plaisanterie, c'est pas un mal. Et quand on ne plaisante que dans le vrai. On a le droit de plaisanter, mais sans mensonge, sans mentir, mais pas beaucoup. Trop, ça vient durcir le cœur. C'est l'excès qui n'est pas bon dans cette chose-là. Et non pas de dire, y a pas, on ne plaisante pas, on ne fait rien, on reste tous avec le visage dur et on ne sourit pas. Celui qui croit que la sunna c'est ça, il a rien compris du tout. Ça n'a rien à voir avec la sunna. Le prophète Hassan, il souriait. Le prophète Hassan, il lui arrivait de plaisanter, mais qu'avec la vérité. Qu'avec la vérité, mais ce n'est pas quelque chose à faire trop souvent. Inna al-ifrat fil muzahi wal-mudawama alayhi manhiyun anhu. Donc, trop exagérer dans la plaisanterie et de le faire constamment, cela est interdit. Li'annahu yusqitu al-waqar, car cela enlève le respect. Hein, on enlève le respect. وَيُوْجِبُ الدَّرَائِنِ وَالْأَحْقَادِ. Et aussi, cela ramène aussi le détestement. أَمَّا الْمَزَاحِ الْيَسِيرِ النَّزِيرِ. Mais les petites plaisanteries de temps à autre, hein, cela, فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. Il n'y a pas de mal en cela. لِأَنَّ فِيهِ بِسَاطًا وَطِيبِ نَفْسِ. Car dans cela, il y a un bien pour la personne. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui arrivait de plaisanter, mais il ne disait que la vérité. إن لكثرة المزاح آثارا سيئة. Trop plaisanter amène des mauvaises conséquences. Beaucoup de conséquences mauvaises. قال ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. Donc, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dit, beaucoup de ulama ont détesté le fait de trop plaisanter. Pourquoi? Parce que vient de trop plaisanter une mauvaise conséquence. Et aussi, ça amène à toucher à l'honneur des personnes et à amener le détestement et à corrompre la fraternité. وإن الأمر إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده. Aussi parce que la chose, lorsqu'elle elle outrepasse ses limites, elle amène à son contraire. Une chose, lorsqu'on l'outrepasse, elle amène à quoi? À son contraire. فَإِنَّ عُمَرْ ibn عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهِ. Ce calife de l'islam, ce grand homme, عُمَرْ ibn عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهِ, a dit إِيَّاكُمْ وَالْمِزَاحِ. Il a dit attention, il y a la plaisanterie. فَإِنَّهُ يُورِثُ الضَّغِينَ وَيَجُرُّ إِلَى الْقَبِيحِ. Car cela amène au détestement et il pousse à ce qui est mauvais. Et souvent ça arrive. Vous l'avez sûrement remarqué. Parfois, une assemblée, on en arrive à un grand mal, mais à la base, c'était parti de quoi? De la plaisanterie. Ça avait commencé par de la plaisanterie. Mais après, il y a eu une accentuation de cette plaisanterie. Plaisanterie, et à la fin, ça s'est terminé en un grand mal. Pourquoi? Parce que les gens ont outrepassé les limites, ont exagéré là-dedans, et ça les a poussés même à des péchés et à des maux jusqu'à ce grand mal. وقيل لكل شيء بذوره وبذور العداوة المزاح. Et il a été dit, chaque chose a la ses racines. Chaque chose a la ses racines. Et les racines de l'animosité, c'est la plaisanterie. Pour montrer la gravité. وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dans le sens du verset, il dit à mes adorateurs, à mes serviteurs, qu'ils disent la meilleure des paroles, car Shaitan, le diable, il insuffle entre eux, il était d'entrée entre eux. Certes, Shaitan, le diable, il est pour l'homme un ennemi déclaré, bien clair. خامس عشر quinzièmement لسائس أهل النفاق. Ah oui, il y a aussi le travail des gens de l'hypocrisie. Eux aussi, ils participent pour que dans la communauté, il y ait l'animosité et qu'il y ait le détestement. Parce que même s'ils font apparaître l'islam, au fond, ils ne le sont pas. Et ils cherchent tout moyen pour affaiblir l'islam. Et comme a dit Ibn Taymiyyah, rahmahullah, pendant la grandeur de l'islam et la puissance de l'islam, ils se font passer pour des bons musulmans. Et que lorsque l'islam est affaibli et que les mécréants et les polythéistes ont le dessus, alors là, ils montrent leur visage vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ahlun nifaq, alladhina yandassuna fi sufufil mu'minin, li'iqa'il adawati wal barda. Les partisans de l'hypocrisie, non pas de l'hypocrisie, la grande hypocrisie, parce que des fois en français, le terme hypocrite, on l'emploie pour autre chose. Pour quelqu'un qui n'est pas clair ou quelqu'un qui, une fois il a dit ça, une fois il a dit ça. Alors que c'est pas, là le terme c'est pour le grand hypocrite, celui qui fait apparaître l'islam tout en étant un mécréant. Donc ces gens-là, ils rentrent. Il faut intrusion dans les rangs des musulmans et des croyants pour y mettre quoi ? L'animosité et le détestement. لأنهم يحسنهم أن ترجع هذه الأمة إلى دينها وتجتمع على مذهب سلفها الصالح. Car ça les attriste de voir la communauté retourner à sa religion. Et de s'unir sur la voie des pieux prédécesseurs. فَالْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. La communauté musulmane n'est qu'une. فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَظْهَرُهَا وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ. Et donc un devoir que ce qui apparaît de cette communauté soit la même apparence, une seule. لِأَنَّ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ لَهَا أَعْدَاءُ يعلنون العداوة صراحة. Et cette communauté musulmane a là des ennemis qui ouvertement montrent leur animosité clairement. Clairement, ils montrent, c'est les ennemis de l'islam, parmi les mécréants et les polythéistes, et ils montrent clairement leur détestement et leur animosité vis-à-vis de la communauté musulmane. وهم الكفار صراحة من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم. Parmi ce sont les mécréants clairs, parmi les juifs, les chrétiens, les mages, les polythéistes, les communistes et bien d'autres. Et ils ont aussi des ennemis qui cachent leur animosité à leur encontre, comme les hypocrites. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux à notre époque? الله بلا يفيد الدعاء بورتيرميني اللهم سلم صدورنا وقلوبنا من الغل والحسد واجعلنا من الذين قلت فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.